XIXe siècle, il souhaite alerter, je cite, sur les causes de dépeuplement des eaux de la France et sur l'importance de la pisciculture pour parer à ce fâcheux état de choses. 50 ans plus tard, en 1902, le bulletin suisse de pêche et de pisciculture, en liaison avec les sociétés de pêcheurs à la ligne, publie la phrase suivante, je vous l'ai mise à l'écran, « La plupart des poissons peuvent être cultivés artificiellement dans des établissements piscicoles, et si l'on ne peut sauver les bêtes menacées par la contamination des rivières, on pourra du moins les remplacer quand elles auront péri. » Ces deux citations montrent en fait que tout le 19e siècle européen est traversé par une véritable inertie, la question du devenir des cours d'eau et des solutions techniques qui y sont attachées. Cette question est valable dans deux sphères, celle des pêcheurs à la ligne, mais également celle des savants. Et effectivement, ces deux approches, c'est l'approche qu'on a retenue, ces deux citations illustrent cette approche-là. On s'est concentré sur la question, la thématique des solutions, techniques ou non, vous allez le voir, au développement des cours d'eau français, et nous souhaitons confronter le monde savant, d'une part, que j'ai étudié dans ma thèse, soutenue le 4 janvier dernier, et le monde des pêcheurs à la ligne, que Jean-François a étudié dans une très belle thèse qui a soutenu en septembre 2011. L'essentiel d'ailleurs de la documentation iconographique qu'on va vous présenter est issue de sa thèse. Donc ces deux mondes, pourquoi ces deux mondes? En fait, les interactions sont très fortes entre monde savant d'un côté et pêcheurs à la ligne de l'autre. Donc la question du dépeuplement au 19e, 20e siècle, enfin, c'est la périodisation que l'on a retenue parce que par la prise de conscience de l'impact de l'industrialisation sur les cours d'eau et sur les poissons également, elle provoque, enfin en tout cas elle permet de connaître, cette période connaît une mutation importante des mentalités qui passe d'une certaine conception de la nature vers une forme de, on met des guillemets, conscience environnementale, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Dans le cas des cours d'eau, le problème est le dépeuplement, c'est-à-dire la disparition d'une partie des poissons, leur raréfaction en tout cas, et ce thème prend une acuité particulière au 19e siècle. Les contemporains cherchent des remèdes, y compris par la technique, et cette préoccupation est conjointe à la fois aux savants et aux pêcheurs à la ligne. De nombreux contemporains pensent que la solution au dépeuplement réside dans la technique, c'est-à-dire dans l'application de la science et de la connaissance scientifique ou théorique à ce problème, dans des réalisations pratiques, le côté pratique est essentiel, et dans des productions industrielles et économiques. Et c'est bien cette question de la technique appliquée au dépeuplement que l'on a choisi de traiter. On va développer trois grandes problématiques. D'abord, dans quelle mesure la technique est-elle considérée comme une bonne solution au dépeuplement des cours d'eau français au 19e siècle? Ensuite, quelles sont les techniques mises en œuvre? Sont-elles efficaces? Comment sont-elles pensées par les savants et les pêcheurs à la ligne? Et enfin, dans quelle mesure la mise en œuvre de techniques pour lutter contre le dépeuplement du cours d'eau favorise-t-elle l'émergence d'une première forme de conscience environnementale? On va esquisser, évidemment, de le temps qui nous est imparti, des réponses à ces questions-là sans pouvoir aller au fond des choses. Éventuellement, par des questions, on pourra ensuite, par vos questions, on pourra préciser les choses. Le plan que l'on a choisi de mettre en œuvre, c'est un plan qui va bien identifier, vous le voyez, en quatre parties, les différentes approches, mais qui traduit aussi une évolution chronologique et conceptuelle. Il faut cependant se garder d'imaginer que les articulations qu'on a mises en œuvre, démonstratives et discursives, sont de véritables ruptures temporelles et paradigmatiques. Non, effectivement, les évolutions sont lentes, les diverses conceptions vont coexister et les solutions vont s'additionner et se stratifier. Bien, donc je vais prendre la parole donc pour tenter de traiter assez rapidement le premier point, à savoir la cause de l'agir technique, donc la question de l'optimisation des ressources piscicoles. Et c'est vraiment le point de départ de notre réflexion et du souci des contemporains. Il s'agit donc de la question du dépeuplement, à la fois dans sa réalité ou dans sa non-réalité, c'est très difficile à déterminer, dans l'analyse de ses causes et donc dans le problème qu'il pose aux contemporains. Donc, y a-t-il vraiment un dépeuplement des cours d'eau et qu'est-ce que cela signifie, ce terme ? Il est clair que le dépeuplement, donc Rémi vous l'a dit, c'est la raréfaction ou la disparition en fonction des espèces pour les poissons. C'est un dépeuplement ressenti, à savoir qu'il est très très difficile de savoir si ces affirmations que l'on trouve dès les années 1820 au moins, et même quelques pistes pour les périodes précédentes, c'est très difficilement vérifiable d'une part, et aucune enquête, aucun document officiel ou non officiel n'a été trouvé pour vérifier ou non la véracité de ces affirmations. C'est un thème qui avait déjà été traité avant qu'on se mette en œuvre pour nos thèses respectives, mais surtout pour le dépeuplement des eaux marines. On peut citer Geneviève Delbos et Max Thibault. Max Thibault ayant travaillé surtout sur l'histoire du saumon, et Geneviève Delbos plus sur, elle, le dépeuplement des eaux marines de façon générale. Dans leurs études, aussi bien que dans nos travaux qui nous sont propres, plus pour ma thèse à moi, puisque j'ai essayé de couvrir une quarantaine de départements, ce thème du dépeuplement des eaux douces est récurrent. On le trouve absolument partout, que ce soit dans les sources imprimées ou non. La question, aussi bien pour nous que pour Delbos ou Thibault, c'est pas de savoir si c'est vrai ou non, mais c'est de voir et de bien comprendre que ces croyances deviennent, pour les contemporains, une donnée incontournable. Que pour eux, c'est vrai, et ils se posent jamais la question de savoir si c'est pas vrai. Et l'intérêt, c'est de voir les conséquences culturelles, sociales, techniques, donc que ces croyances peuvent avoir. Ce souci, ces croyances, elles vont crescendo tout au long du XIXe siècle, dans un contexte un petit peu anxiogène qu'on peut relier à la pression démographique, à la peur alimentaire, et aussi aux transformations que subissent les cours d'eau face à l'industrialisation. Très rapidement, dès les années 1855-1856 pour la société d'acclimatation, on repère très vite les causes de ce dépeuplement, ou on pense identifier les causes de ce dépeuplement. Alors les contemporains n'en ont pas vraiment conscience, mais quand on confronte les différents points de vue, on se rend compte que ce soi-disant dépeuplement, il est très complexe et qu'il y a de nombreuses causes imbriquées les unes aux autres, mais les contemporains, les savants en particulier, n'en ont pas forcément conscience. Donc on a en gros 3 à 4 grandes causes, donc la pêche abusive, aussi bien, alors c'est toujours pareil, les pêcheurs professionnels accusent les pêcheurs amateurs de trop pêcher et vice-versa, le braconnage bien sûr, alors le terme pollution est à manier avec grande prudence, là c'est pour aller un petit peu vite, mais on parle d'empoisonnement ou de souillure des rivières, et une cause un peu moins directe, on va dire, mais qui est perçue comme un thème en tout cas, ce sont donc la construction des barrages qui empêcheraient donc les espèces migratrices, en particulier les saumons, mais aussi les aloses, les anguilles, etc., de remonter les cours d'eau pour se reproduire. Donc, ce qui est important à voir, c'est que les contemporains pensent que la cause directe, elle est imputable à l'homme, et en particulier sur l'aspect surexploitation de la ressource. Donc, on peut juste préciser que pour la cause pollution, c'est plus vers la fin ou la deuxième moitié du 19e siècle que ça se pose avec un peu plus d'acuité. En tout cas, c'est dans cette période-là, les années 1860, à partir des années 1860-1870, qu'on insiste un peu plus sur l'aspect pollution. Voilà, donc j'ai essayé très rapidement de brosser la définition du dépeuplement et les causes. Je laisse la parole à Rémi pour la suite. Oui, donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est finalement qu'est-ce qui inquiète les contemporains ? Pourquoi sont-ils préoccupés par ce dépeuplement, cette disparition des poissons ? Le premier élément de réponse, je vous l'ai mis, hein, c'est l'utilitarisme. Effectivement, l'idéologie utilitariste énonce que seul est important ce qui a un intérêt direct et immédiat pour l'homme, ce qui est directement utilisable, l'homme doit maîtriser la nature doit le servir. Ici, cette notion de profit immédiat, finalement, relève d'une contradiction. Finalement, qu'est-ce qui est important ? La pêche ou les barrages, par exemple, ou les industries au fil de l'eau ? Donc on a déjà la question de la valeur des usages qui va se poser ici et qui va, on va voir, être tranchée généralement en défaveur de la pêche. La maîtrise du vivant aussi est un objectif. Ici, le modèle à l'œuvre, c'est celui de l'agriculture. On parle de culture des eaux, on parle d'ensemencement des eaux, on parle de récolte. On cherche à reproduire la maîtrise telle qu'on agricole que l'on imagine. Finalement, ici, le premier élément du besoin de technique, c'est produire. Voilà. Premier élément qui va faire que les contemporains vont chercher des techniques. Néanmoins, la crainte du dépeuplement fait que les contemporains sont convaincus d'agir, mais que les premières formes d'action ne vont pas être un agir technique, ou au contraire, c'est deux éléments, comment dirais-je, sans technique. Le premier, c'est la réglementation. La réglementation, pourquoi ? Parce que, Jean-François vous l'a dit, la première cause du dépeuplement, ce sont les hommes eux-mêmes, par les pratiques de braconnage, par des surpêches, par des abus, et donc par la loi, on va chercher à réguler ces abus, et en même temps, ça permet de faire rentrer les cours d'eau et les poissons dans un corpus législatif, et finalement, de faire rentrer le sauvage dans l'humanité, je dirais, d'accord, de maîtriser les cours d'eau, il y a des lois qui portent sur les cours d'eau, et donc ces cours d'eau deviennent, on peut les saisir. Les savants et les pêcheurs, chacun de leur côté et parfois ensemble, vont chercher à peser sur l'élaboration des lois et des règlements, dans le détail, et souvent avec une posture d'expert, on en reparlera un peu plus loin. Bon, ceci dit, les lois ne sont pas nouvelles, on ne les découvre pas au XIXe siècle, elles remontent certes, pour certaines au XIIIe siècle. Une loi est très importante, c'est l'ordonnance de 1769 sur les eaux et forêts, qui va être une première tentative de codification et surtout de réunification, enfin de saisir globalement des textes qui étaient souvent épars et très locaux. Au XIXe siècle, il y a une grande loi qui est votée, c'est celle du 15 avril 1829, hein, sur le code de la pêche fluviale, qui reprend l'essentiel de l'ordonnance de 1669, toujours à des fins strictement économiques et utilitaristes. Cependant, on peut s'interroger sur l'efficacité de cette loi, se demander si elle fonctionne ou pas, puisque tout au long de la période, les contemporains ne cessent de dénoncer l'inefficacité de la loi et de mettre en œuvre, de montrer que le dépeuplement se poursuit, même s'il n'apporte aucune preuve. Donc les lois théoriques finalement ne suffisent pas, et émerge un deuxième élément du besoin technique, celui d'une réalisation pratique. Alors, après le produire, on a la réalisation pratique qui va conduire petit à petit à l'agir technique. Le deuxième élément est plus pratique justement, mais il est toujours sans technique, c'est la réserve. La réserve de pêche, hein, qui généralement est pensée sur le modèle de la réserve de chasse, une sorte de perméabilité là, des concepts. Bon, la réserve de pêche, c'est quoi ? S'il s'agit d'une portion de cours d'eau où la pêche est interdite, c'est aussi simple que ça. Souvent, cette zone est une zone de frais, de reproduction pour le poisson, où voilà, on interdit toutes les activités qui pourraient être destructrices pour le poisson. L'idée est très simple, on compte sur la résilience de la nature pour repeupler. C'est-à-dire qu'on protège un espace, pas de pêche, et la nature elle-même, par son abondance naturelle, elle va repeupler toute la rivière. Voilà, c'est ça l'idée de la réserve de pêche. La réserve de pêche, c'est encore une fois une idée de partage de l'usage des cours d'eau. Vous le voyez sur l'image qu'on vous a mis à gauche. Au premier plan, donc un panneau, pêche interdite, c'est une réserve de pêche, sur un espace, une rive qui a l'air plutôt naturelle, on voit des joncs ici. Et au fond, de l'autre côté du cours d'eau, du plan d'eau, on voit une rive qui, elle, par contre, a beaucoup moins d'aspect naturel, promenade, une rive assez verticale, qui est régulièrement tendue. On voit bien qu'ici, il y a des usages différents d'une même portion du cours d'eau. Et donc, ça permet d'interroger cette question des réserves, qui pose finalement presque autant de problèmes qu'elle n'en résout. La réserve réalisée sur des eaux courantes, que devient le poisson, qui s'y reproduit, qui s'y multiplie. peut pas le garder. D'accord ? Le grillage fonctionne assez peu dans ce cas-là. La réserve ne permet pas d'empêcher la pollution, la contamination des eaux, et donc la destruction du poisson. Les surfaces mises en réserve sont très réduites parce que confrontées à d'importants enjeux d'usage et de propriété. Les réserves aussi sont réalisées sur des frayères, mais pas sur des cours d'eau flottables ni navigables. Donc ça limite encore les possibilités. Et puis le devenir du poisson une fois né n'est toujours pas résolu. Donc finalement, les actions sans technique, qui sont très nombreuses, on vous l'a montré au cours du 19e siècle, consistent en fait soit en un laisser-faire à peine encadré à la marge, de réglementation, pas. Soit en l'espoir d'une résilience naturelle, et ça ne fonctionne pas non plus. Donc pour les contemporains, ces deux actions sans technique sont insatisfaisantes, et ça va les amener à se tourner vers d'autres solutions, cette fois-ci techniques. Donc ça nous amène au troisième point, donc intitulé l'agir technique. Donc les contemporains vont développer des solutions à partir de deux constats. Ben, le premier, c'est qu'il y a moins de poissons, donc il en faut plus, et on va ici faire appel à la pisciculture. Et la deuxième idée, c'est que les cours d'eau sont barrés et que donc les poissons de valeur ou jugés de valeur type saumon sont empêchés de remonter, donc il faut recréer de la continuité écologique. Et donc on va faire appel à de nouvelles connaissances, à de nouvelles pratiques. Et c'est donc le troisième élément du besoin technique. Et on va vraiment toucher là au cœur du problème, à savoir l'importance du binôme, je ne sais pas trop comment appeler ça, du duo savant-pêcheur, qui vont, selon les lieux, selon la chronologie, plus ou moins collaborer ensemble pour essayer de solutionner au mieux ce problème au dépeuplement. J'avais proposé à Rémi de mettre une petite illustration qui est issue d'un ouvrage de la fin du 19e siècle où on voit donc la main de l'homme en quelque sorte qui opère une opération de fécondation artificielle sur des œufs de salmonidés de truites. Donc on touche ici donc à carrément ce que les sources, c'est même ce qu'on appelle l'invention ou la révolution de la pisciculture. Donc, deux pêcheurs amateurs ou professionnels quasiment illettrés. Donc, le chef ou le patron s'appelle Rémi et son collaborateur s'appelle Géun. Donc, c'est Rémi et Géun. Voilà, c'est une petite histoire pour digérer. Donc, on découvert de façon un petit peu hasardeuse en 1842 dans un petit village qui s'appelle La Bresse, qui est situé dans les Vosges. Et donc, vous voyez là, j'ai reproduit le rapport qu'a fait le docteur Axo, qui est le notable local qui anime et qui est en quelque sorte le président, le meneur de la société savante locale, à savoir la société d'émulation des Vosges. Donc, ce docteur Axo écrit à la société d'acclimatation. Et c'est pris très très au sérieux, et un enquêteur est nommé à l'Académie des sciences, c'est Milne Edwards, qui est le doyen de la faculté de Paris aussi, à cette époque-là, donc c'est pas n'importe qui se rend sur place, qui enquête et qui juge leur découverte très, très intéressante. Donc Rémi et Jean auraient apparemment observé de façon naturelle, donc je sais pas si vous savez comment ça se passe pour la reproduction des truites, mais je vais essayer très rapidement de vous expliquer. Donc il faut un lit de gravier ou un lit de sable avec très peu d'eau et dans une portion de rivière plutôt oxygénée. La truite femelle dépose ses œufs sur ce substrat et dans les jours qui suivent, le mâle vient ensemencer les œufs dans les 9 à 10 semaines qui suivent, les alevins sont censés éclore et on estime qu'ils sont entre guillemets hors de danger ou viables à partir de 14 à 15 semaines. Bon bref, je ne veux pas faire trop savant, mais donc ils ont observé ces opérations et donc le but c'est de récupérer des femelles pleines d'œufs, de les, comme montré sur la documentation ici, les mettre dans un récipient et de récupérer donc des truites mâles et de les ensemencer et de replacer ces œufs de façon artificielle, de recréer en quelque sorte les conditions naturelles de la reproduction et de la fécondation des salmonidés. Donc ce sont des, en gros on divise les poissons en deux parties, les poissons qui vivent en eau froide, les salmonidés, les truites, les saumons, et les autres poissons donc, qui vivent plutôt dans des eaux plus profondes et beaucoup moins oxygénées. Et donc ils se sont concentrés sur la truite, ils ont réussi, et en fait on s'est rendu compte que cette technique était déjà connu au moins au XVIIIe siècle en Allemagne par un certain Jacobi. Donc, mais c'est sûr et certain, Olivier Levasseur a travaillé là-dessus aussi, c'est un chercheur de Rennes. Rémy et Jeanne n'avaient aucune connaissance de ces précédents, et donc ils l'ont retrouvé de façon un petit peu empirique. Donc très vite, le Second Empire, donc Napoléon III, va saisir l'opportunité et va débloquer des fonds énormes pour essayer de développer la pisciculture. Donc c'est un homme là qu'il faut retenir, c'est Victor Coste, qui est nommé inspecteur des pêches, et donc qui est chargé de ce dossier pisciculture, et c'est vraiment des milliers et des milliers de francs or à l'époque qui sont débloqués pour notamment mettre en place une ingue. Donc c'est dans le Haut-Rhin, c'est une pisciculture d'État qu'on a appelée le château des poissons. Et donc vous voyez là, j'ai reproduit très rapidement quelques chiffres, quelques statistiques, mais on voit que en quelques années, de très très nombreux départements français bénéficient des œufs de Huning, et même les pays étrangers, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, un petit peu l'Espagne, profitent donc du savoir-faire français. On va avoir même un développement très fort des piscicultures privées. Donc ici, c'est dans l'Ain, c'est à Thoiry, donc c'est une pisciculture, la pisciculture de Grémaz. On voit comment on a multiplié les bassins, et on a aussi étendu la technique de la pisciculture à toutes les espèces, hein, les carpes, les brochets. On arrive à maîtriser la reproduction de quasiment tous les poissons. Et c'est la même pisciculture aujourd'hui, voilà, de nos jours, qui existe toujours, donc depuis les années 1910, donc à Grémaz, et on voit là une opération de nourrissage des truites, donc, puisque le but c'est de les amener à terre. On a donc des connaissances techniques de plus en plus pointues et de plus en plus vulgarisées. À gauche, on a une observation très précise du développement de l'œuf de la truite jusqu'à son développement en tant qu'alevin. Et la société d'acclimatation, donc, via son bulletin notamment, va se faire l'écho de toutes les expériences locales, nationales, internationales. On a un deuxième grand moment dans la piscine en France, c'est les années 1880, notamment sous l'égide d'un homme, Jousset du Bellem, donc qui a été directeur de l'aquarium du Trocadéro de 1884 à 1900. Donc ça passe d'abord par la mairie de Paris, et puis c'est ensuite récupéré par l'État. Donc c'est un spécialiste reconnu du saumon de Californie, qui est une sorte de saumon venu donc, des États-Unis, et Jousset de Bellem va avoir de grands succès avec cette espèce. C'est lui le monsieur saumon de la fin du 19e siècle. Et donc sur la droite, là, vous voyez la reproduction d'une médaille, d'une sorte de monument commémoratif à la gloire de Jousset de Bellem, qui a été offert par l'ensemble des sociétés de pêche affiliées en fédération à la fin du 19e, donc en 1894, avec l'épitaphe, vous voyez, repeuplement des eaux de la France. Donc on touche là vraiment au binôme savant-pêcheur, et les pêcheurs servent de relais locaux pour que Jousset de Bellem mène des opérations de repeuplement. Donc il va distribuer des œufs de salmonidés un peu partout en France. Chaque point, c'est une carte faite par Jousset de Bellem. Donc même si elle n'est pas très exacte, ça donne au moins une idée de l'ampleur des opérations d'alvinage qu'il y a eu. Et quand je me suis déplacé dans les nombreux départements, donc par exemple le Nord ou le Pas-de-Calais ou plus vers chez moi, à Toulouse ou à Bordeaux, on retrouve la correspondance entre Jousset du Blême et les pêcheurs locaux. Donc, ce qui prouve bien que le croisement des sources est opérant. Et on voit que la voie du Trocadéro donc, a mené de façon assez systématique des opérations de repeuplement de nombreuses rivières. Bon, bien évidemment, c'est le bassin, bassin de la Seine qui a été favorisé. Comment fait-on pour transporter les alvins? Et là aussi, on fait appel à des solutions techniques. On recrée dans une sorte de bidon les conditions optimales pour la survie des alvins avec un système d'aération qui permet aux alvins de tenir le choc pendant le transport. Ceci dit, très rapidement, dès Victor Coste, donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros, il y a deux temps dans la pisciculture, on va dire l'ère Coste des années 1850 et l'ère du Bélème, de Bélème des années 1880-1890. Donc, dès Victor Coste, on a de fortes critiques qui est très bien incarnée ici par cette lithographie de Daumier que j'ai eu la chance de trouver pendant mes recherches. Donc, elle date de 1856 et la légende est très, très claire. Perfectionnement de l'éducation des poissons savants du Collège de France. Donc, c'est clairement Victor Coste qui est visé. Et on retrouve aussi l'idéologie utilitariste de l'aspect soumission de la nature vers l'homme. Et donc les poissons fraîchement produits par la pisciculture dansent autour de lui et lui orchestre tout cela avec une flûte telle un charmeur de serpent. Donc les critiques sont importantes parce que d'une part on se demande si on voit que ça marche pas de façon optimale, on n'arrive pas à conserver les souches originelles, les alevins introduits ne sont pas toujours réattrapés, bref, on a conscience d'avoir dépensé des sommes d'argent très importantes, et surtout, on reproche l'introduction d'espèces alloctones, d'espèces étrangères, on peut penser au poisson-chat, à la perche-soleil, aux silures, etc., qui sont... Pour l'exemple du poisson-chat, pour aller très vite, au début on dit c'est une super espèce, elle résiste à tout, elle se reproduit très vite, il faut en mettre partout, et puis 15 ans après on a des concours de pêche organisés pour éradiquer le poisson-chat. Preuve que l'action anthropique sur les milieux est à considérer sur le long, voire le très long terme, et à guise d'information, aujourd'hui le poisson, c'est un des rares poissons à être classé comme nuisible. Donc pour faire une petite transition, dès 1856, je crois, ou 7, je ne sais plus, 56, oui, c'est marqué, pardon, des savants de la Société d'acclimatation avaient intégré cette donnée en disant qu'en pisciculture, il ne suffit pas de créer, il faut surtout savoir conserver. Voilà, le deuxième élément technique, je vais aller assez vite parce qu'on arrive à la fin du temps, là, ce sont finalement les échelles à poissons. Hein. Vous voyez ici l'image, alors, ça vous l'a dit, le second problème identifié, c'était la rupture de la continuité écologique pour les poissons migrateurs. Ici, donc, vous voyez sur l'image un barrage, une retenue d'eau, pas très importante. Hein. Vous voyez l'arbre à côté, à gauche, il n'est pas très grand, donc un boulot. Bon, la chute d'eau n'est pas très importante, mais néanmoins, ça empêche un certain nombre de poissons de remonter, se reproduire dans les parties amont des cours d'eau. Et donc, pour recréer de la continuité, on a cette solution des échelles. On construit une rampe, ici en bois, vous voyez, assez simple, hein, assez rudimentaire même, qui va permettre de faire un flux d'eau moins important et surtout franchissable par les poissons. Vous les voyez peut-être sur l'image, qui va bien sagement, la queue leu-leu, remonte le cours d'eau, le nouveau cours d'eau créé, et vont sur le biais supérieur, et donc pouvoir ainsi regagner leur lieu de reproduction en amont. Ici, c'est le modèle de l'échelle McDonald's, qui est soutenu par la Société d'acclimatation, recommandé, et cette recommandation est faite à tous les pouvoirs publics. Hein, les rapports réalisés là-dessus sont envoyés au ministère, sont envoyés localement aux ingénieurs des ponts et chaussées, aux ingénieurs des eaux et forêts, enfin ceux des travaux publics, à peu de commandes. D'accord ? Et ces échelles à poissons. 5 minutes encore. Bon, on est là. Ces échelles à poissons, du coup, sont installées un peu partout en France, avec des résultats qui peuvent être intéressants. On voit des saumons remonter, notamment en Bretagne, à son nombre de cours d'eau. Le problème, c'est que cette solution, donc là, elle apparaît effectivement pertinente, mais elle permet des reconquêtes, mais elle va buter sur un obstacle, c'est le progrès. Et on vous a mis une deuxième image pour les rapidement illustrer. Il y a des barrages qui sont construits et qui sont plus simplement des petits seuils de 2, 3, 4 mètres, Mais ici, vous avez le barrage des Gusons en construction, qui va être inauguré en 1926 sur la Creuse. Vous voyez la rivière Creuse là, qui coule, de gauche vers la droite. Le barrage des Gusons, c'est 61 mètres. Vous le voyez sur l'image. On ne peut pas imaginer qu'un poisson le franchisse naturellement. Et même recréer donc, une échelle à poisson de 61 mètres de hauteur, on ne sait pas faire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc là, voilà, la Creuse est totalement stérilisée en espèces migratrices depuis 1926. Donc les savants et les pêcheurs eux-mêmes se rendent bien compte de cette lutte finalement presque inutile sur le fait de recréer des continuités sur les cours. Il existe également d'autres aménagements. Ici, on vous a mis une photo, assez rapidement, sur les frayères artificielles. Vous avez un cours d'eau, vous voyez le dessin en hachuré, qui est manifestement canalisé, pour augmenter le niveau d'eau, faciliter la circulation des bateaux, je pense. Oui, mais sauf que les poissons peuvent aussi reproduire, et donc on crée un aménagement pour permettre néanmoins la reproduction des poissons sur les rives. Bien, je vais essayer de faire très rapide. Donc, le dernier point qu'on a hésité à mettre en conclusion, mais je pense que ça mérite quand même une à deux minutes de développement, même rapide, c'est d'essayer de montrer que plutôt vers la fin de la période, à savoir les années 1890-1910, on n'a pas vraiment un changement de paradigme, mais on a une évolution marquée avec l'apparition de la question de l'eau pure. Les préoccupations des sociétés de pêcheurs et des savants restent centrées sur le repeuplement, mais ils élargissent leur volonté d'action en se concentrant notamment sur les pollutions industrielles. Et ils ont bien conscience que pollution et dépeuplement sont liés. Donc là, je vais faire référence à Stéphane. Hein, on a cherché sur l'exemple là que je vous mets... On vous met donc le docteur Albert Calmette, on a cherché ensemble, Stéphane l'a bien montré dans sa thèse en 2009 sur les réseaux de la modernité, les pêcheurs vont faire appel à des spécialistes, à une technique, à une expertise technique plutôt médicale et ou hygiéniste ou les deux, et vice-versa, hein, les pêcheurs et les... Ils s'appellent l'un l'autre, et on va avoir comme ça tout un réseau qui va se mettre en place entre pisciculteurs, pêcheurs, les maires, les ministres, les médecins, qui vont essayer d'agir au niveau législatif, au niveau sensibilisation, vulgarisation. On le voit sur le document de droite, Albert Calmette est convié en Belgique à faire une communication internationale donc sur la pollution des rivières et sur la conduite à tenir pour essayer de limiter ce fléau. Et donc, en particulier dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, Calmette, Edmond Moury aussi vont agir auprès des ministres pour, par exemple, essayer d'augmenter le débit de la Deule avec des apports de différents canaux pour que les poissons et les pollutions soient amoindris et pour alerter en quelque sorte les pouvoirs publics. Les pêcheurs vont devenir en quelque sorte des sentinelles des rivières, vont devenir en quelque sorte des experts de terrain. C'est eux qui les premiers vont avertir sur tel ou tel cas de pollution. Voilà, donc je ne fais pas plus rapide parce qu'il faut qu'on conclue, mais voilà. Voilà, donc on propose quatre éléments. D'abord, premier élément, en matière de dépeuplement des cours d'eau, deux idées qui se rejoignent pour favoriser l'action technique. La première, c'est l'idée utilitariste. La seconde, c'est la prise de conscience des dommages causés par l'homme. Du coup, les deux principales manières d'agir techniques vont être la pisciculture et les échelles à poissons, celles qu'on vous a présentées rapidement. Les deux visent à réparer les actions de l'homme, mais surtout à maîtriser le sauvage et à pérenniser la ressource agricole. Deuxième conclusion, les pouvoirs publics vont considérer les savants, mais aussi les pêcheurs locaux, comme des experts de cette question du dépeuplement. Ils vont les questionner, ils vont les écouter, ils vont agir selon leurs recommandations, la plupart du temps. Le troisième point, c'est le thème plutôt des réseaux et de l'émergence d'une conscience environnementale, avec guillemets. Pour faire vite, les pêcheurs donc vont être en quelque sorte les experts de terrain. Ils vont être les relais locaux au sein de ces réseaux de lutte contre le dépeuplement et les pollutions. Et les savants sont plutôt en quelque sorte les têtes pensantes et sont plus les maillons nationaux et internationaux en termes de représentation. Et ils vont agir de concert, même si la thèse de Rémy est vraiment très bonne aussi, mais c'est plus les pêcheurs qui vont avoir pas le monopole, mais qui vont être marqués dans l'émergence de cette conscience environnementale. Les savants servent plus de caution et amènent plus le savoir technique. Ils sont plus dans des visées utilitaristes, hein, pour faire vite. Le dernier thème, c'est le thème du modèle européen. Je pense que cet aspect comparatiste est très important, surtout aujourd'hui. Même si on a très peu d'éléments, qu'il faut être très prudent et que ça mériterait peut-être 4 ou 5 thèses, on peut, à la lumière de nos modestes recherches, dire qu'en amont, la France s'inspire plutôt des autres pays. Victor Coste va voir en Angleterre, va voir en Italie comment ça se passe pour la protection des cours d'eau. Et en aval de la période, Jussé de Belém envoie des œufs au Chili, il envoie des œufs aux États-Unis, il écrit dans les grandes revues naturalistes américaines. Docteur Calmette va très régulièrement en Angleterre, donc voilà, cette idée de modèle. Et pour finir, une petite illustration qui ouvre un peu, voici la reproduction d'un périodique d'une puissante association dont on n'a pas parlé, qui s'appelle le Fishing Club de France, qui est créé en 1908, qui regroupe des pêcheurs, des médecins, des hygiénistes, etc. Vous le voyez, là j'en ai fait un gros plan, sa devise est claire, l'eau pure pour tous, et on voulait finir par ça, en montrant l'arrière-plan, toujours cette idée de nature un petit peu idéalisée, avec des vaches qui viennent boire, qui sont dans la prairie heureuse, le pêcheur complètement intégré. Bon, voilà, une image un petit peu de la nature soumise et protégée par les pêcheurs et par les savants. Voilà, merci. Je propose qu'on passe tout de suite à des questions, parce que Jean-François devra nous quitter tout à l'heure. On répond aussitôt ou pas ? On répond au fur et à mesure ou pas ? Oui, pour le moment. D'accord. Vous avez intitulé votre communication « La technique au secours de la nature ?» Point d'interrogation. Je ne lis pas le titre et les noms, mais ça finit par des solutions qui préfigurent une conscience environnementale que vous avez mis entre guillemets, et un point d'interrogation aussi. C'est donc que la question se posait, puisque vous avez mis un point d'interrogation. Je ne suis pas sûre, bien que j'ai lu vos deux thèses, j'ai eu le loisir et le grand honneur de lire vos deux thèses en entier, je ne suis pas sûre de savoir d'avoir bien compris comment vous répondez à la question. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que ce que vous venez de nous présenter préfigure une conscience environnementale ? Qu'est-ce que ce serait qu'une conscience environnementale ? Parce que moi, il me semble que j'entends encore dans tout ce que vous nous avez dit, les notions de maîtrise de la nature, d'expertise savante, etc. Est-ce que il n'y a pas quand même une rupture qui s'est produite avec ce qu'on appellerait aujourd'hui de cette façon conscience environnementale ? Oui, je pense que la remarque est tout à fait fondée. Peut-être, oui, une maladresse encore post-doctorant. L'idée était la suivante, à savoir que c'est la thèse de Christelle Gramaglia sur les pêcheurs dans les années 60-70, qui là, clairement, se revendique quasiment écologiste, etc. Et donc, l'idée qu'on a peut-être mal formulée, c'était d'essayer de montrer que beaucoup de gens écrivent encore ou pensent que le développement durable, l'écologie, etc., c'est né dans les années 50, 60, 70, et on a voulu essayer de montrer que même si ces pêcheurs ils ont pas, et ces savants, ils n'ont pas vraiment une conscience, enfin, ils ne se revendiquent pas de ça, mais on pense qu'ils préparent en quelque sorte, c'est l'héritage, c'est le socle en quelque sorte culturel, je ne sais pas comment dire, historico-culturel, ou sociologico, etc., enfin, à la fois économique, social, qui marque en quelque sorte les esprits et qui fait que petit à petit on a ces notions d'écologie, de conscience environnementale. Et alors, qu'est-ce qu'une conscience environnementale? J'ai toujours mis ça, ou écologique, j'ai toujours mis ça entre guillemets parce que je suis bien embêté pour donner une définition stricte et efficiente. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que soit intervenue entre temps l'invention, entre guillemets, bien sûr, du ministère de l'écologie? Non, pas du ministère, du concept d'écosystème. Ah si, bien sûr, oui, bien sûr. Exemple, avec la rupture de l'écosystème, bien sûr. Mais pas seulement aussi, l'idée qu'on protège la nature, pas seulement parce qu'on a pour l'utiliser, mais bien sûr. Juste en soi. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a mis point d'interrogation. C'est aussi pour ça, parce que voilà, les pêcheurs, il ne faut pas être dupe. Hein. Je vous les ai présentés comme des bons petits soldats, mais c'est avant tout parce que c'est leur lieu de loisir qui est menacé. Ils veulent lutter contre les pollutions et remettre du poisson, parce qu'il est hors de question que quand ils aillent à la pêche, ils n'attrapent pas de poisson. Donc ce n'est pas du tout désintéressé. Est-ce qu'aujourd'hui, ou avec la notion d'écosystème, on a peut-être cette notion de désintéressement aussi, ou de, en tout cas de moins utilitariste, qui doit entrer en jeu aussi? Tout à fait. Donc il y a, je pense qu'il y a une... Non, je sais pas. Oui, des points d'interrogation. Et puis, bon, on parle de la notion d'écosystème, telle qu'elle peut être définie scientifiquement, certes, mais il y a néanmoins des éléments qui, dès cette époque, nous amènent à une certaine... nous montrent une prise de conscience de ce qui deviendra ensuite l'écosystème. La question des habitats pour les poissons, dès le début du XIXe siècle, c'est pris en compte. La question de l'équilibre naturel, c'est incomplet, c'est mal formulé, c'est en partie faux d'ailleurs, mais il y a des éléments qui amorcent cette prise de conscience. Voilà, c'est ça. C'est... D'accord. Donc oui, certes, on ne parle pas d'environnement à l'époque, on n'utilise pas le terme d'écosystème, mais on voit quelques éléments apparaître, quelques évolutions qui se dessinent et qui vont aller dans ce sens-là. Donc ici, c'est ce qu'on voulait montrer, notamment sur cette question de l'opure, parce que cette idée de conscience environnementale est plus forte, il me semble, chez les pêcheurs que chez les savants, qui restent majoritairement, sauf à de rares exceptions, très utilitaristes. Sur cette question donc, de la, chez les pêcheurs notamment, on voit quelques éléments qui nous amènent à penser qu'il pourrait y avoir une première conscience environnementale, difficile à saisir, très difficile à définir également. D'où les guillemets, les points d'interrogation, parce qu'encore une fois, c'était une réflexion plus qu'une certitude de notre part. Oui, je suis... ça rentre à peu près dans ce cadre-là. Je suis assez intrigué par les savants qui sont bloqués dans cette aventure. Est-ce qu'ils sont dans un mouvement sigéniste, qui était très, très en vogue à la fin du 19e et du 20e, ou est-ce qu'ils sont dans la mouvance zoologique? Parce que la référence au père Calmette, là, Albert Calmette, il était directeur d'institution de Lille, hygiéniste, connu comme tel, en même temps brasseur et un des plus grands pollueurs de la région. C'est une position d'une très grande ambiguïté. Et j'aimerais que vous éclaircissiez un peu plus cette position des savants, justement. Oui, ben alors les savants. Parce que c'est le seul exemple que vous avez donné. Oui, on a parlé de Victor Coste également. On n'a pas cité. Oui, oui. Tout à fait, on n'a pas cité non plus Charles Millet. Oui, Roulin, Toulousain. Le Roulin, Toulouse. On aurait pu citer Ravre et Vatel, c'est à peu près de la même époque que le docteur Calmette. Donc en fait, c'est pas ou, c'est et. Dans le sens qu'on a des hygiénistes et on a aussi des zoologistes. On va retrouver un peu tout le monde, après ça va dépendre des itinéraires individuels. Mais on a une sorte de convergence, pourrait-on dire, en tout cas des personnages qu'on a étudiés sur ces thèmes-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas susceptibles de contradictions. Voilà, c'est comme en ornithologie, les premiers protecteurs des oiseaux sont des chasseurs. Et qui tire beaucoup et qui massacre l'environnement, notamment les dernières espèces, pour avoir la dernière dépouille. Bon. Donc je pense que voilà, ces contradictions-là sont inhérentes peut-être à l'être humain, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, les savants, ce n'est pas le « ou », c'est le « et ». On a plutôt une succession, une conjonction d'itinéraires individuels, à la fois géologiste et à la fois hygiéniste, je pense. Je peux donner l'exemple, si vous voulez, de Louis Roule, qui est un universitaire toulousain qui est le directeur de la pisciculture de Toulouse et rattaché donc directement à l'université, et qui met en place le musée de la pêche, qui... mais lui il est plus centré sur la pisciculture si vous voulez. C'est pour ça qu'on ne l'a pas pris, parce qu'il fallait qu'on garde le temps, mais on voulait plus insister sur l'aspect eau pure à la fin de notre intervention. Mais Louis Roule, bon, même s'il s'intéresse aux questions d'eau pure, il est plus centré lui sur, bon, il a écrit une monumentale histoire des poissons, bon, c'est un grand naturaliste, et il est en lien avec les pêcheurs, là c'est sûr, les pêcheurs lui demandent des conseils pour faire tel ou tel alizinage, il fait des cours du soir sur la pisciculture, en échange les pêcheurs viennent travailler à la pisciculture, etc. Donc il y a un échange de bons procédés, mais c'est vrai que oui, docteur Calmette, pourtant j'ai vu de mes yeux des documents signés de sa main comme quoi les pêcheurs lui avaient amené tel ou tel échantillon qu'il avait justement analysé à l'Institut Pasteur et que donc il condamnait tel ou tel industriel pour tel ou tel rejet de mauvais produits dans les cours d'eau. Mais oui, c'est sûr qu'il était aussi pas tout blanc, je pense. J'ai vraiment une micro-question et je m'attends à la réponse, mais est-ce qu'il y a des liens entre ces pêcheurs et le monde de l'aquariophilie tel qu'il se développe, notamment en Angleterre et en Allemagne, d'abord au début du 19e, puis aux États-Unis sous l'influence des migrants allemands après la crise de 70. Et c'est des univers qui sont extrêmement importants en tant que nombre de membres, de publications, de réseaux. Est-ce qu'il y a des liens entre ces univers? Oui, il y a beaucoup de liens, et notamment, alors je ne pourrais pas vous... On fera ça par mail si vous voulez. De mémoire, je suis incapable de vous donner des noms précis, mais c'est surtout le secteur des pêcheurs à la mouche qui sont très très sensibles à ces sujets d'aquariophilie et de connaissances extra-pêche en quelque sorte, ou domaine connexe de la pêche. Oui. Oui, alors en fait, moi, ma question sera un peu intéressée, mais ça rebondit à mon avis sur les débats précédents. Sur cette question, je crois que Victor Coste, pour l'exposition universelle de 1855, intervient pour mettre en place des aquariums, enfin des aquaria à destination du public. Et d'ailleurs, Jules Verne est même censé s'être inspiré de ça pour le milieu sous les mers. Oui. J'ai travaillé assez, enfin, un peu en détail sur la controverse Rémy Géhin avec les académiciens, notamment Coste. Et je trouve votre présentation intéressante parce qu'elle resitue sur cette idée de dépeuplement des cours d'eau cette chose-là sur le long terme. Mais mon sentiment personnel par rapport à la première époque, parce que je pense qu'en effet il y a une deuxième époque, sont plus des hygiénistes qui rentrent dans cette question. Alors au départ c'est beaucoup plus des zoologues ou des zoologistes qui sont vraiment intéressés autour typiquement de la société zoologique, de l'acclimatation et tout l'effort d'Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire pour créer une espèce de synergie avec des gens très divers. Mais mon sentiment était que ce que vous présentez comme étant une proto-conscience écologique n'est pas quelque chose qui... je sais pas comment le formuler. Disons que j'ai plutôt le sentiment de voir les choses à l'inverse. C'est-à-dire que deux logiques qui se télescopent et s'opposent. Alors je comprends que dans le temps de votre présentation, vous n'aviez pas le loisir de rentrer dans le détail, les controverses, etc. Mais d'une certaine façon, l'opposition entre des pêcheurs qui sont issus de traditions, même si Géhin n'est pas pêcheur, il est tavernier au départ, mais en tout cas Rémy, de gens qui pêchent pas pour leur loisir, mais parce que c'est leur métier, ils en vivent, etc. Et donc des savoir-faire immémoriaux, j'en sais rien, mais en tout cas anciens, transmis, etc., qui s'oppose à une logique purement industrielle. Et de ce point de vue-là, je trouve que le monde n'est pas plat du tout. On a d'un côté des pêcheurs qui se transmettent des choses, qui ont une vision qu'on pourrait appeler, alors est-ce qu'il s'agit de conscience écologique, je ne sais pas, mais en tout cas de ce qu'on pourrait appeler de façon anachronique de développement durable, ou même pas de développement, simplement de durabilité des ressources. Et de l'autre côté, une logique industrielle complètement hyperbolique. Et là, vous avez parlé d'utilitarisme, mais à mon sens, ce qui se joue, ce n'est pas du tout ce qui va se passer par rapport à l'environnement, mais plutôt combien de millions, de milliards de ressources financières on va pouvoir développer à partir de ça. La rhétorique du Second Empire, elle va complètement là-dedans. On compte le nombre de mètres cubes à une ingle, on dit un poisson par mètre cube, donc ça fera tant de francs, 30 ans, etc. Donc moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un basculement de l'un à l'autre qui se joue à ce moment-là, et donc à mon sens, la question ce serait peut-être pas tant à quel moment est-ce qu'émerge cette conscience environnementale, mais plutôt comment est-ce qu'un monde a été construit pour invisibiliser cette sensibilité que nous on appellerait écologique aujourd'hui, et faire que ce soit cette logique industrielle qui se mette en place et qui prédomine. Donc en fait un basculement à mon sens plutôt inverse. Comment, je pense là aux travaux par exemple de Jean-Baptiste Varek, des choses comme ça qui... vont, à mon avis, dans ce même sens aussi. Comment est-ce qu'on produit les conditions d'un monde industriel qui empêche l'ancienne sensibilité environnementale, ou je ne sais pas comment appeler ça, parce que c'est anachronique, mais bref. En fait, c'est exactement dans cette ligne-là, et Guillaume l'a très bien dit, mais moi, ce qui me surprend, c'est que vous posez la question de l'émergence de la conscience environnementale, puis d'entrée de jeu, vous dites qu'il y a des réglementations depuis le XIIIe siècle, donc on a un peu du mal à comprendre que ça émerge depuis le 9e siècle. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il y a quand même une grosse littérature déjà sur la pisciculture. Je pense aux travaux de McEvoy ou Taylor aux États-Unis sur justement l'ensemencement des vignes. Et leur interprétation qui est en fait la même que vient de dire Guillaume, c'est qu'en fait, ça servait finalement de manière de désinhiber, de dire bon, on peut en fait bousiller les rivières, on s'en fiche, on aura toujours les capacités ensuite de re-ensemencer. Donc en fait, c'est exactement, enfin, ce qui se passait à mon avis, c'est exactement l'inverse que l'émergence d'une conscience environnementale. Oui, effectivement. Donc, sur les éléments de la pisciculture, effectivement, on n'a pas évoqué cette idée de conscience environnementale pour les pisciculteurs, puisque clairement, ce qu'ils souhaitent, c'est artificialiser le fourrage, ce qu'on avait mis en titre. Je suis plus, dubitatif sur cette idée. D'une conscience avant l'industrialisation, d'un sentiment envers la nature. Les pêcheurs professionnels, pour un certain nombre d'entre eux, notamment je prends l'exemple de la Loire, ce qu'ils cherchent, c'est pêcher au maximum. La durabilité de la ressource, ça ne les intéresse pas. Ils ont un droit de pêche sur le bief d'un moulin, ils mettent leur carrelé en place et ils pêchent au maximum tout ce qui remonte. C'est-à-dire que s'ils peuvent pêcher tous les saumons d'une année, ils le font. C'est clair. Et c'est la ressource maximale. Donc cette idée de sentiment avant, c'est peut-être le cas de Rémi, en tout cas c'est un très bon observateur. Donc ça dénote une certaine forme de sentiment ou de conscience écologique, même si le terme n'est pas employé comme ça. De là à parler de durabilité de l'ancien système qui sera détruit par l'industrialisation, moi je suis, pour le cas français en tout cas, je suis beaucoup plus réservé, sauf cas particulier. Maintenant, il est vrai qu'il y a un changement de système et qu'on passe effectivement au régime industriel. On lâche des milliers, des millions d'alevins pour espérer une production plus importante sur un rythme industriel. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Moi, je suis d'accord sur l'analyse, mais enfin, à la fois d'accord et pas d'accord, parce que enfin, ce que je vais dire, ça justifie notre analyse et en même temps, ça la détruit. À savoir que Rémi, à partir du moment où il rentre en contact avec COS, etc., il arrête de pêcher. Et il est payé par l'État pour aller faire des tournées, pour aller faire le tour des CGM. Oui, mais Rémi. Il y a la controverse entre les deux d'ailleurs. Là, voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais parce que je crois que Rémi tombe malade. Alors, oui, enfin. C'est pas très important. Mais je veux dire, l'idée, elle est à la fois dans votre sens et en même temps, enfin, ça justifie votre analyse et en même temps, ça détruit la mienne. Et de notre côté, ça, vous voyez, c'est le fait qu'ils arrêtent de. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils collaborent, si vous voulez. C'est pas de savoir si la conscience environnementale ou elle est plus chez les pêcheurs ou plus chez les pisciculteurs ou plus chez les hygiénistes ou plus chez les costes ou plus chez les roules. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer qu'il y a au-delà des clivages industrie-pêcheur, c'est d'essayer de montrer qu'il y a une sous-estimation de la profondeur historique de ces notions d'écosystème, de protection de la nature ou de sensibilisation à la nature. Je suis tout à fait d'accord sur qu'il faut être rigoureux méthodologiquement dans les termes, dans l'analyse, etc. Mais peut-être que l'emballage est mauvais, mais le fond de mon idée, de notre idée, de la communication, c'est ça. C'est beaucoup. Ça a un petit peu évolué, même depuis qu'on a soutenu mon thèse, mais. Au début que je faisais des colloques, on me disait mais non, la conscience environnementale, c'était il y a 7 ans, 8 ans, la conscience écologique, enfin, l'environnement, l'écologie, c'est les années 60, point barre. Donc voilà, l'idée c'est ça en fait. Mais après, je suis tout à fait ouvert à ces idées. En fait, si j'ai bien compris, l'idée ça serait de dire que, alors j'ai lu les États-Unis là, mais je pense pas qu'on puisse vraiment comparer les auteurs français qui ont, enfin, notamment Olivier Levasseur et même Darren Kinsey, qui est un chercheur canadien qui a fait un gros l'équivalent de ma thèse pour le Canada. Il est assez d'accord avec moi, on ne peut pas vraiment du tout comparer la pisciculture américaine et la pisciculture européenne, même s'il y a de nombreux échanges et de nombreux transferts et tout. En termes de milieu et en termes de moyens, surtout, c'est à peu près incomparable. Bon, bref. Mais, donc, si j'ai bien compris, l'idée, ça serait de dire qu'on crée un monde pour. Enfin, comme un rideau pour cacher les actions. Enfin, j'ai pas bien. Si vous pouviez reformuler votre idée de. J'ai pas bien compris quand vous m'avez dit, c'est l'inverse en quelque sorte. On partirait de cette notion. En fait, enfin, juste pour le reformuler, déjà, Kinsey, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous dites. Je crois qu'il a, bien sûr, il a écrit aussi un article pour parler de la révolution aquaculturelle au Canada. Avec le Levasseur. Oui, mais qui justement provient des travaux français à cette époque-là, comme étant le centre d'une révolution. Oui, mais au-delà de ça, mais je crois que j'accepte pas ce que vous dites sur la question de la nature, dans le sens où ça me paraît complètement anachronique de dire qu'ils avaient un sentiment écologique qui voulait protéger la nature. D'accord. Ça, je suis d'accord. Pour moi, c'est du pipeau intégral. D'accord. Et c'est vraiment du plaquage de ce qu'on nous, on aurait envie de voir aujourd'hui. Sur tout à fait. C'est pas du tout ça ce que je voulais dire. À mon sens, ce qui se passe chez Rémy au départ, c'est plutôt un constat, et c'est pour ça que je trouve très intéressant votre discussion sur est-ce que oui ou non il y a des peuplements ou pas au départ, mais un constat dans son milieu personnel, là où il y a la pêche, il n'y a plus de poissons. Simplement. Alors il dit plein de choses, il y a la pêche à la chaux, donc ça c'est barbare, oui, hein, on met de la chaux, les poissons crèvent, ils remontent, on ramasse tout, enfin bon, c'est quand même, c'est pas. Donc voilà, il constate ça, et lui ce qu'il veut faire, c'est pas faire que la nature soit belle et gentille, ou je sais pas quoi, il veut avoir des poissons pour vivre, il a du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Donc à partir de là, à mon sens, ce qui se joue, c'est le changement de culture. Et ce que je disais, ce n'était pas pour distribuer des bons coins en disant il y a des gentils pêcheurs dans les industriels, c'est pas ça. C'est juste de dire, à un moment donné, ces pêcheurs, ce pêcheur, parce que Géant n'est pas pêcheur, c'est simplement par intérêt qui rentre avec Rémy dans cette affaire-là, mais ce pêcheur Rémy notamment, s'il rentre dans cette histoire et qu'il change après sa façon de travailler, c'est justement parce qu'il intervient dans un processus de production qui se globalise. Et du même coup, il ne peut plus être pêcheur comme ça dans son coin, aller faire ses trucs. Il intervient justement dans quelque chose qu'on pourrait, je ne sais pas si on peut appeler ça un macro-système, un système industriel, ou j'en sais rien. Mais de ce point de vue-là, à mon avis, ce qui joue, et ce que Jean-Baptiste disait aussi, c'est justement cette inversion. On est, c'est pas sur le mode quand est-ce qu'une conscience environnementale a été inventée, mais plutôt comment est-ce que quelque chose. Alors nous, on pourrait dire conscience environnementale avec nos termes contemporains, mais je crois que l'important, en effet, ils n'avaient pas de notion de la nature à protéger, etc., mais simplement comment une certaine préservation de la nature existait, de ce que nous on appelle nature, existait dans leur pratique quotidienne de savoir-faire, parce qu'un pêcheur, pour qu'il vive, il doit pêcher un maximum, il doit aussi avoir conscience de quelle borne ne pas dépasser pour ne pas crever de faim l'année suivante, etc. Et donc, comment en rentrant dans ce nouveau système, eh bien, toute cette. Ce que nous on appelle conscience, mais je ne crois pas que c'est une conscience écologique en tant que telle, eh bien, se trouve d'une certaine façon détruite. Donc, on n'est pas dans pour déceler l'émergence de cette chose-là, mais plutôt l'apparition de quelque chose qui fait qu'il n'y a plus la possibilité d'avoir un rapport durable au milieu. Je propose qu'on passe encore aux interventions et après l'intervention de Fabien, on a discuté, qui est plus théorique, qui aura peut-être une discussion finale, justement. Je ne me suis pas présenté ce matin. Je m'appelle Michel Bébec, je suis géochimiste et je travaille sur les rivières et la qualité chimique des rivières. Et ce point me semble manquer dans notre analyse du poisson jusqu'ici, c'est les données des connaissances scientifiques sur le fonctionnement écologique des rivières, et qui ne vont apparaître que largement après les années 1950. Et aussi les données de base de gestion du milieu aquatique, c'est-à-dire qu'on n'a aucune donnée sur la qualité des eaux pratiquement jusqu'en 1970. Et alors que au niveau des paramètres de qualité des eaux, ces paramètres existent, et le premier d'entre eux qui concerne le poisson, c'est l'oxygène dissous, et donc il est mesurable depuis 1850 environ, et il y en a un deuxième, c'est l'oxydabilité au permanganate, qui a été inventé vers 1870. Et ces deux paramètres sont régulièrement analysés, par exemple, dans la Seine, en amont et en aval de Paris, par le laboratoire municipal de Montsouris, qui publie ses analyses régulièrement et qui montre qu'il y a un déficit en oxygène dissous régulièrement, chaque année, pendant tout l'été, etc. Mais il n'y a jamais la connexion entre ce déficit en oxygène dissous et la disparition du poisson ou les mortalités éventuelles de poissons. Personne n'a fait ça. Je n'ai lu, j'ai débrouillé 50 ans d'annuaire de Montsouris. C'est suggéré un ou deux années et ensuite ça passe à la trappe. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de connaissance du milieu, il y a un déficit de connexion entre les analystes, qui sont souvent d'ailleurs des pharmaciens à l'origine, et le poisson et la vie aquatique. Et ça a perduré largement jusque dans les années 1960, parce que ma collègue Laurence Wessel a publié un article sur les pêcheurs et les industriels dans les années 50-60. Et en fait, les pêcheurs, quand il y avait une pollution massive, ils allaient voir l'industriel. Ils réglaient à l'amiable les problèmes entre eux. Les industriels payaient cash. Et ça passait dans l'organisation du congrès annuel de la société de pêche. Et on ne se préoccupait pas du tout du milieu naturel. Donc cet état d'esprit est resté pour les sociétés de pêche. Pas pour le fishing club, sans doute pas pour les migrateurs, mais pour les pêches locales. C'était comme ça qu'on gérait jusqu'en 1970. J'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais il y a différents types de pêcheurs. Donc il y a différents acteurs, etc. Et le lien, il manque un espèce de pied à votre tripode, là, savant. C'est un certain type de savant, ouais. Et il manque les gens qui ont la connaissance du milieu naturel. Et en fait, ils sont très peu nombreux jusque dans les années 70. Jusqu'à la transformation du CP-greffe en CEMA-greffe, etc. Donc ça, c'est clé. On n'a pas 30 ans de comment vous avez votre expression là, de pollueur de... c'est pas la vôtre, pardon. Mais on a quasiment un siècle d'obscurantisme sur la connaissance des milieux aquatiques. Et effectivement, on le voit quand on regarde très attentivement les rares chroniques, que c'était très contaminé ou très pollué, même avant 1900, dans certains cas. Donc c'est pas seulement après la Deuxième Guerre mondiale, c'est largement avant, c'est 50 ou 80 ans avant. Donc il y a déficit de connaissances, déficit de surveillance, etc. Et les savants, ils étaient ailleurs. Et Calmet, c'est pas un spécialiste, c'est milieu aquatique, ça c'est sûr. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin, mais ce n'est pas pour ça que j'avais demandé la parole. Sur la question de l'eutrophisation de l'eau et le rapport avec la mort des poissons. Je n'ai pas dit eutrophisation. Non, c'est pollution organique. C'est pollution par le brasseur Calmet. Ce n'est pas l'eutrophisation qui est apparue dans les années 60. Vous avez parlé d'oxygène. D'oxygène dissous, oui, mais c'est la pollution. Au 19e siècle, la corrélation est très bien faite entre la mort des poissons et la. C'est pas l'eutrophisation, madame. Je reviens. Ça n'a rien à voir. C'est deux processus. Mais oui, mais là, on est au cœur du sujet. J'ai une méconnaissance du fonctionnement biogéochimique du milieu aquatique, j'y peux rien. L'eutrophisation, c'est un surcroît d'algues. La pollution organique, c'est le brasseur qui met ses eaux usées. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a pas les mêmes causes, ça ne se traite pas de la même façon. Ça a les mêmes conséquences sur le poisson à long terme. Mais l'eutrophisation, elle ne consomme pas l'oxygène, elle en produit. Donc, vous voyez, c'est... Elle consomme de l'oxygène dans l'estuaire, à la fin du tuyau. Donc vous voyez, il y a un problème. Je crois qu'on n'a pas le temps nécessaire pour discuter ça. Mais dans les années 1850, quand toutes les rivières du Nord sont polluées, Chevreul a très bien expliqué ce qui se passait avec les brasseurs. Oui. Pour retourner voir les archives. Ça ne s'appelle pas l'eutrophisation, encore une fois. Vous faites une méconnaissance. Ça s'appelle pollution organique. Ça s'appelle pas eutrophisation. De toute façon, je vais dire à Stéphane que je voulais juste dire une phrase. Il me semble que vous avez parfaitement raison de dire les choses ne commencent pas dans les années 60, mais il faut à mon avis, compliquer les choses plus que vous ne le faites. On ne peut pas se contenter de reculer la barre de 50 ans ou de 100 ans. Il faut... Je sais bien qu'en histoire, on est toujours contredit par les gens qui ont travaillé sur les périodes antérieures. Ça, c'est tout à fait banal. Mais il faut compliquer les choses. Il faut remonter encore plus en amont de ce que vous avez fait pour comprendre dans quel paradigme scientifique et intellectuel vous vous situez à ce moment-là. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui cloche un petit peu dans votre chronologie qui est très linéaire. On commence à être un petit peu environnementaliste ou écologiste. D'accord, c'est des anachronismes. Bon, mais quand même avec des guillemets, on commence et puis ça se développe et puis ça déboucherait sur les années 60. C'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas le temps d'en discuter plus avant, mais je crois qu'il faut compliquer les choses encore. Très brièvement, moi j'ai rencontré dans mes travaux sur les industries et l'environnement, bien sûr, le rapport entre les industriels et les pêcheurs. Et ils sont très nombreux, très forts, dans les années 50, et ce que vous avez dit sur les périodes antérieures me semble explicatif par rapport à ce que j'ai pu trouver. Je voudrais revenir un peu sur l'importance de cette profondeur antérieure du point de vue de la loi. Parce que vous avez évoqué la loi de 1829 en disant qu'elle n'était pas efficace, mais le fait de ne pas être efficace pendant le 19e siècle n'empêche pas qu'elle a pu avoir un rôle ultérieur au 20e siècle. Et je voudrais dire qu'il y a tout un débat dans les années 50 où le patronat essaye de se débarrasser de cette loi. Et l'État est allé un peu dans son sens en amendant la loi, en donnant justement la possibilité de s'entendre à l'amiable, comme on le disait tout à l'heure. Mais ça ne suffisait pas, parce que les procès ont continué. La Cour de cassation, par de très nombreuses décisions, a donné raison aux sociétés de pêche. Et c'est une des raisons, la présence de cette loi est une des raisons de, lors du passage de la 4e à la 5e République, le lancement du chantier de l'eau, de la commission de l'eau du commissariat au plan et la préparation de la nouvelle loi qui, là, éliminait en fait hein, la loi de 1829. Mais une nouvelle loi qui, dans sa première version d'origine, si elle a été votée au Parlement, s'est heurtée au Sénat, en fait, à l'opposition de l'interco parlementaire de la chasse et de la pêche qui était multi-parti politique, qui a fait que la loi, telle qu'elle était prévue par le commissariat au plan, n'est pas passée. Et qu'on a élaboré une nouvelle loi, qui est la loi sur l'eau de 1864, et tout le système des agences de bassin, qui est quand même une... Et puis des comités de bassin, etc., qui a été le point de départ, sans doute pas parfait, mais le point de départ quand même d'un renouvellement de la loi de l'eau. Et les pêcheurs, mais aussi la législation, ont joué un rôle dans la genèse de cette évolution. Oui, disons que la loi de 1829, on l'a regardée là, que sous l'optique très superficielle du dépeuplement. Et on l'a dit, inefficace dans cette optique-là, puisque les contemporains continuent à déplorer ce dépeuplement. On n'est pas rentré dans une analyse détaillée de cette loi et de ses conséquences ensuite, ni des autres, comme celle de 1865, etc.